pratiquer sa maison locale, c'est Kambovu. Anawezi kuenda kwa Amerika huku na huku, lakini ajua kusema nyumba yake ni Kambovu. Mais nous partons par-ci par-là. Lakini tukurenda huku na huku. Mais il y a des endroits où me dit frère Jacques restez ici. Na kukuma fazi mwetonesha ndugu Jacques bakia huku. Nimeboneesha tu accente mingi. Mais j'ai une chaise à Goma. Lakini niko na kiti yangu ku Goma. Si je manque à cette chaise là. Nikikosa pale kiti. Banduku ba mingi watasema ni nini namfikia? Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. C'est ça la famille chrétienne. Ndio jamaa ya Kikristo. Regardez Saul. Tazameni Saul. Saul, il est à la table. Saul est quoi comme ils sont en train de partager. Ben, comme on a gagné la chakula. Il constate que quelqu'un n'est pas. Akaona kusema mumoya ana. Il dit mais où est parti le fils d'Isaïe? Akasema sasa mtoto mwana wa Isaïe anaenda wapi? Il demande à Jonathan. Anamuuliza Jonathan. Mais je ne vois pas le fils d'Isaïe. Mishi muone mtoto wa Isaïe faza ni kalaka. Eko wapi? Où est-il parti? Anaenda wapi? Est-ce que vous avez compris? Eti unaelewa? Une véritable église. Kanisa la kweli. C'est une vraie famille. Ni jamaa ya kweli. Et vos conducteurs. Na waongozi wenu. Vous dites mais je ne sais pas vie ok. Wakati wakuja sikukona kuibada. Usishirike. Est-ce que tu es commencé à vous contrôler? Oh, naanza kuangarisha kutupata fata. Il y a une place. La vôtre là. On ne t'a pas vu là-bas. Hapana, kuko fazi yako. Papaza kupala tukonepo. Est-ce que vous avez compris? Eti munasikia hiyo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Ah, je suis dans la joie. Niko katika furaha. De voir encore notre précieux ami aussi. Kuona vile vile mpendwa wetu ndugu. Frère Kabamba. Ndugu Kabamba. Que Dieu le bénisse beaucoup. Mungu amubariki vile vile. Soyez le bienvenu. Karibu sana. C'est un frère merveilleux à moi depuis longtemps. Ni ndugu wa damani kwangu tangia zamani. Maintenant je suis étonné de voir qu'il est l'ami de tous mes amis serviteurs de Dieu. Sasa mimi nakuwa mshangao kabisa kusema anakuwa tena rafiki wa rafiki yangu wote batumishi ya Mungu. Alors là c'est merveilleux. Pale sasa ni mzuri sana. Que Dieu bénisse lui et sa famille. Amubariki yeye na jamaa yake. Je suis content de voir mon ami Douglas. Nilikuwa na furaha kabisa kuona rafiki yangu Douglas. Je suis content de voir Ginias. Je disais nilikuwa nasema Ginias kwa api? Ujinyase kwa api. Sasa miyamuona ni kukatika fura. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Je suis heureux de vous voir tous. Niko aheri kumuona mwebote. J'ai vu une sœur là-bas. Nilo dada mwa kule. Elle est entrée dans la salle. Aliingia mchumba. Et après une telle sorte. Na kita mtu fulani akatoka. Je manque la paix. Asema nakosa amani ndugu. Je manque la paix. Nakosa amani. Et dit frère. Asema ndugu beba hii. C'est rien mais quand même. Aina kitu lakini. On m'a dit que tu pars à Lubumbashi. Ba yo sasa unaenda Lubumbashi. Il n'y a pas moyen frère. Hakuna namna ndugu. Je suis dans l'incapacité de rester dans la salle sans mettre cette. En tout cas, mina shinda kubakia mchumba bila kuleta hii. Ça c'est cet amour là. Ile upendo ile. Cet amour là vous ne pouvez pas voir ici dehors. Hauwezi kuiona kuipata pale nje. Vous ne l'aurez jamais par l'argent. Hautaipataka kama kwa franga. Vous ne l'aurez jamais par les mutualités tribales. Hautaipenda kuipata kama mmankunja makabila. Vous ne l'aurez jamais par les Nations Unies. Hautaipata mstari kwa mataifa ile upendo. Vous l'aurez seulement en Jésus. Mutaipataka tu paka ndani ya Yesu Kristo. Vous l'aurez seulement en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voici nous sommes arrivés à la fin de mon séjour. Tazameni, na kwa mwisho wa masiku yangu. Ne pensez pas qu'on se sépare dans la joie. Katika fura, hapana. Ça n'a pas toujours été facile. Que Dieu vous bénisse. Mungu, je suis aussi dans la joie. Niko vivile katika fura. Je ne peux pas manquer de remercier ma sœur Annie. Siwezi kukosa kupiga asante dada yangu Annie. L'épouse de notre frère Ngoindai. Mke wa ndugu yetu Ngoindai. Vraiment merci pour la sérénité. Akika kweli accent sana jwadani. Que le Seigneur la bénisse. Bwana ambariki. Si vous voyez un grand homme, mukiona mtu mkubwa, sache que derrière elle, il y a une grande dame. Yo akusema kumkungu aje kuko mke mnene mkubwa. Ne jetons pas de fleurs pour venir faire la galère devant l'église. Atutupe maua njoo kuleta kulamusha wivu ndani ya watu mkanisa. No, nous disons ce que nous avons reconnu comme vrai. Lakini tuko nasema ile tulitambua kwamba ni vya kweli. Branham disait, ce qu'un homme pense de toi, il te l'exprime par les actes. Et encore il dit, ce n'est pas à la tombe qu'on doit mettre des fleurs. Mettez les fleurs du vivant de la personne. La sœur Annie, qui est au milieu de vous, vous ne la connaissez pas. Par nature, je suis un homme méticuleux. Kwa asili tu niko mtu moya wa nguvu sana, wa exigence. Méticuleux, c'est ça être exigeant. J'aime que chaque chose soit à sa place. Et de sa vraie manière. J'ai toujours eu difficile qu'on repasse les habits pour moi. Mais quand Annie repasse mes habits, je n'ai pas à dire. Je ne fais que m'incliner. Alors que Dieu la bénisse pour cette capacité. Alléluia. Amen. Toute capacité vient de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez les micros ici. Ce sont des capacités. Ni ma uwezo. Les ingénieurs de son. Ba ingénieur ba ku. Moi, je ne peux pas faire ça. Mi siwezi kufanya ile kazi. Je n'ai pas cette capacité. Nina na ile uwezo. Eh, Dieu nous a donné cette capacité. Mungu alibapatia ile uwezo. Regardez le frère là qui nous a fait. Nduku mwenye kunitafsiri. Ce frère là. Ule nduku. Il faut le garder jalousement. Inapasa mchunga na bwivu. Nous sommes passés partout. On a vu des grands interprètes. Mais un interprète qui est interprète comme le frère aisément. Les mots qui coulent aisément. Et chaque mot à sa place. Je vous dis la vérité. C'est le frère. Et nous jetons le frère sur lui. Na tunakupa maua juu yake. Azipoke mujina la Yesu. Ile reçoit au nom de Jésus Christ. Ce sont des capacités. Ni mauwezo. Que Dieu a donné aux hommes. Ile Mungu alipatia batu. Alléluia. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Merci Jésus. Merci. Donc, vous le chantez différemment. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous adorons notre Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, nous te glorifions. Nous t'acclamons. Car honneur, louange, acclamation, adoration, que soit dit au siècle des siècles. Nous inclinons notre tête, nos âmes, notre esprit, notre être entier devant le nom de Jésus. Car il est écrit que tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Et toute langue confessera que Christ est Dieu et Seigneur. Reçois nos hommages, reçois nos chansons, reçois nos témoignages du début jusqu'à la fin. Sois notre consolateur, sois notre sauveur, sois notre maître. Bénis cette église, bénis les conseils des hommes, bénis les ministres, bénis la chorale, bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis chaque couple, bénis les jeunes gens. Accorde du travail aux jeunes gens. Voici cet édifice n'est pas encore achevé. Nous te disons d'abord merci, toi qui l'as fait arriver à ce stade. Et nous croyons, Seigneur, que tu commences une chose et tu l'as toujours terminée. Achève cette œuvre dans les grandes acclamations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 20, et nous lisons au verset 11 ce qui suit. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cet avant-midi, j'aimerais faire la continuité de la colère de l'homme qui n'accomplit pas la justice. Ce sujet, un comportement, c'est la continuité du premier sujet que nous avons parlé tout au long de la semaine. Amen. Amen. Le comportement. Mwenyendo. Amen. Amen. Le comportement. Mwenyendo. Le comportement. Mwenyendo. C'est une manière ni de se comporter. Une manière d'être. Namna ya kuwa. Une attitude. Hali. Un comportement. Mwenyendo. Amen. Amen. Ce n'est pas une confession. Aina kukiri. Ce n'est pas une doctrine. Mais c'est un comportement. Pour celui qui défend, qui dit qu'il a la saine doctrine. Pour celui qui confesse qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. On lui demande, pas nécessairement, de dire qu'il a Jésus-Christ. On ne lui demande pas nécessairement de prouver méticuleusement qu'il a Jésus-Christ. On ne lui demande pas de déployer la grande connaissance. On attend de lui un comportement. Amen. Amen. Le comportement. Chaque pays a un comportement. Kila inchi kuna mwenendo yayo. Chaque famille a un comportement. Kila jamaa iko na mwenendo yayo. Chaque entité a un comportement. Kila timu wala fazi mahali iko na mwenendo yayo. Chaque village a un comportement. Kila kijiji iko na mwenendo yayo. Chaque église a un comportement. Kila kanisa iko na mwenendo yayo. Chaque assemblée a un comportement. Kila makutano iko na mwenendo yayo. Chaque foyer. Kila jamaa a un comportement. Iko na mwenendo yayo. Chaque chorale. Kila kwaya. A un comportement. Iko na mwenendo yayo. Moi. Mie. J'ai un comportement. Niko na mwenendo yangu. Toi. Weye. Qui a un comportement. Uko na mwenendo yako. Amen. Amen. Le comportement. Mwenendo. C'est ce que tu es. Ni kile uko. Nous venons de l'Est. Chie tunatokea kule kwa asubuhi. Quand nous arrivons dans la ville de Kinshasa. Wakati tunafika mji wa Kinshasa. nous trouvons un autre comportement. Différent ya kwachana, du comportement na mwenyendo de l'Est. Ya kule kwa subuhi. À Kinshasa, ku Kinshasa, vous trouvez que la ville unakuta kwa mamuji, a un comportement iko na mwenyendo différent du comportement de la ville de Lubumbashi. Ya kwachana na mwenyendo ya muji ya Lubumbashi. Différent du comportement de la ville de Goma. Ya kwachana na muji ya Goma. Chaque ville, kila muji, a un comportement. Iko na mwenyendo yayo. Quand vous arrivez à Kinshasa, wakati nafika Kinshasa, vous trouvez les gens sont bouillants, chamuka. Vous trouvez les gens n'ont pas de la révérence. Batu abana bana heshima. La majorité ba mingi des habitants de Kinshasa. Kinshasa. Si vous voyez la vitrine de la ville de Kinshasa, ukiona tu ali, ukiona tu mkangara tu unaona Kinshasa, allez au marché, uende kusoko, allez dans le boulevard des 30 juin, uende mbarabara munene, allez dans différents endroits où il y a la concentration des sur la route, mahali ya kwachana cha pale poko batu ba mingi sana mbarabara, vous comprendrez, utaelewa le comportement de la ville de Kinshasa, mwenyendo ya batu ba muji ya Kinshasa. Quand nous sortons de l'Est, nous atterrissons à Kinshasa, nous entrons dans le véhicule, mgari, vous trouvez que les chauffeurs à Kinshasa, unaona kwamba ba Kinshasa, ils sont très surchauffés. Beko bakuchamuka samuka sana, les motards, ba motar, ils sont très impolis. Bakosadabu sana. Ils déclarent n'importe quoi à n'importe qui. Beko na sema misemo yoyote na kwa mtu wote. Vous trouvez les, ceux qui passent. Bale kupita. Ils sont sur les véhicules pour chercher à mettre la main et prendre des téléphones. Et téléphones. Si vous allez dans la ville de Goma, vous ne verrez jamais ça. Mukienda mumuji ya Goma, amutonakele matendo apana. C'est un comportement. Ni mwenyendo. Dans la ville de Kinshasa. Mumuji ya Kinshasa. On ne connaît pas qui est papa. Atujua ke baba ni nani? Atujua baba ni nani? On ne connaît pas qui est grand-père. Nabajua nkambo ni nani? On ne connaît pas qui est noble. Atujua mheshimiwa ni nani? On ne connaît pas qui est dignitaire. Abajua mheshimiwa mwenye mamlaka ni nani? On ne connaît pas qui est puissant. Abajua wa uwezo ni nani? On ne connaît pas qui est noble. Abajua mtu ule franga mheshimiwa. On ne connaît pas qui est grand. Ayo mkubwa ni nani? C'est le route de Kinshasa. Baba la Kinshasa abajua ni mwenyendo. Vous voyez même les officiers supérieurs, très supérieurs. Munaona ta askari polisi wa cheo ya juu sana. Il sort de sa bande là. Anatoka mwile cheo yake. Sa bande. Anatoka barabara ngambo yake. Il part dans l'autre bande. Anaenda ngambo ingine barabara. Avec le giro. Na ma klakson na mamlota sa kisho. Anazibia barabara, anazibia vyote, hakuna maendeleo na mzuri mbarabara. C'est incompatible. Na hiyo ni mwenyendo. Si vous changez, ukibadilisha, vous entrez à Kigali. Unaingia ku Kigali. Qui est général de corps d'armée. Yeye mwenye kwa jemadari wa jeshi mkubwa. Tu ne peux pas changer d'itinéraire. Awezi hata ku jemadari mkubwa, awezi kubadilisha ngambo yako. La voix. Utafuata njia ile batu bote bwana fata. C'est incompatible. Ni mwenyendo. Mais si tu vas à Kinshasa. Lakini ukienda Kinshasa. Vous êtes capitaine. Uko capitaine. Il suffit seulement qu'il y ait 10 véhicules devant toi. Ni mambo tu kumbele kwa kwa magari 10. Gardez-vous, sont déjà sortis. Pale, il va passer où? Atapitia wapi? Le véhicule sera l'hélicoptère. Gari, itakuwa ndege. C'est un comportement. Ni mwenyendo. C'est un comportement. Ni mwenyendo. Et vous voyez les déclarations de jeunes motards. Non, non, mais c'est moi, ma motard, ou le Kinshasa. Et toi, papa, là. Oui, bah, oui, baba, oui, baba. Oui. Nous allons brûler avec ton véhicule. C'est un comportement. Ni mwenyendo. Ça, vous ne pouvez pas l'avoir, par exemple, à Kambo. Hawezi kuiona ile mwenyendo huku Kambo. Vous ne pouvez pas l'avoir dans la ville de Goma. Hawezi kuipata hata kugoma. C'est un comportement. Ni mwenyendo. Si vous allez dans le stade de l'unité. Mukiende mule mukiwanja ya le stade de football. Mukiwanja kabumbu. A un comportement. Muko mwenyendo nawe yayo. Le bar. Ma bar, les boîtes de nuit, ile mabari ya busiku, on leur comporte. Na mungu na mwenyendo yayo. Derrière un comportement. Mkongo wa mwenyendo fulani. Ya un esprit. Huko roho fulani. C'est par cet esprit là. Kupitia ile roho. Que tu te comportes. Njo huko na jiongoza sasa. Car il est écrit. Kwani imeandikwa. Que chacun. Ya kwamba kila mtu. Est esclave. Eko mtumwa. De l'esprit qui triomphe. Ya ile roho iko na mshinda shindia ndani mwake. Chaque famille ici qui la jama apa a un comportement. Iko na mwenyendo yayo. Amen. Amen. Chaque pays a un comportement. Si vous allez au Burundi, mukienda ku Burundi, dans les fêtes, makaramu, des mariages, ya ndoa, vous ne saurez pas quelles sont les fêtes de mariage. Hautajua kusema nini karamu ya ndoa. Les gens, la mariée vient. Mwenyana oleo, anakuwa tu. Elle entre. Anaingia lwaki. Elle s'assoit. Anaikala. Le convié entre. Baibalikwa, nabu banakuwa ba. Banaingi. Il s'assied. Banaikala. On sert la nourriture. Banaleta chakula. On amène à boire. Banaleta vinywaji. On commence à manger. Bananza, tunaanza kula. On commence à amener les cadeaux. Banaleta mazawadi. Ena. Moya. Anafuata, kisha mwingine. Et vous s'intéressez le match. Mutasikia tu. Aïe. C'est fini. Una malizika. On dit le mariage est terminé. Ndoa, karamu ndoa, ina malizika. Et quand il sort. Na wakati wanatoka. Il dit c'était quoi? Mas, ikuwa nini? Nous étions dans la joie. Tulikuwa katika furaha. C'était une grande joie. Ilikuwa furaha mkubwa. Un grand jour pour nous. Siku kubwa kwetu. Un jour de mariage. Siku ya ndoa. Là, dans la salle, il y avait le mariage. Mais les Congolais, on veut comment? Ah, même l'enfer connaît qu'il y a un mariage. Tous, tout bouge. Même des dettes, on va entrer. À cause seulement du mariage. C'est un comportement. Amen. Amen. C'est pour cela. Ne jugez pas quelqu'un par rapport à ton comportement. C'est ton comportement. Jugez-moi par rapport à la parole. Vous entrez dans une église. Cette église a un comportement. Ce comportement est dit au directeur de cette église. Ministre, mtumishi, écoute-moi aujourd'hui. Unisikie leo. Ne cherchez pas. Tu viens à Goma. À faire l'église que soit comme à Kambove. Kambove a un comportement. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand vous arrivez à Goma, Goma, observez le comportement. Il est missionnaire. Prie que Dieu t'aide à te rendre capable de discerner le comportement de l'homme. Et toi, à la parole seulement. Tu cherches à changer les choses dans cette église. Ça ne tiendra pas. Suivez les modèles à ton comportement. Même Dieu, il a un comportement. Et Satan a un comportement. A un comportement. Chacun kila mutu est identifié à la tambulishwa kumwenyendo yake. Même frère Branham, ata ndugu Branham, il dit je suis arrivé à Finlande. Anasema nilifika au Finland. À Finlande, kule ku Finland, ils ont leur comportement. Beko na mwenyendo yabo. Ils ont leur esprit. Beko na roho yabo. Ils sont honnêtes. Beko banyofu bakunyoloka. Fidèles. Waaminifu. Les agents de l'État. Batu askari, serikali wanaishi kwa mshahara wanawalipa kwa serikali. En Finland. Kule ku Finland. Le premier ministre. Premier ministre. Il part prendre un autre président de notre pays à vélo. Eko naenda kupokea rais wa nchi nyingine na kinga. Vélo. Kinga. Jean-Marie président. Jean-Marie rais. Faites ça en Afrique. Mufaye mambo mu Afrika. Mais frère, ça ne va pas manger. Habitendeka. Ça ne marchera pas. Habitendeka. Je pense que même votre hôte, c'est un hôte. Mugeni yako atasema kwa kunjewa iko ni bibi. Eti unanifuata? C'est un comportement. Ni mwenendo. Les Africains. Watu wa Afrika. Sont des adorateurs de titres. Ni baabudu wa macheo. Son éminence. Mheshimiwa wa juu. Le PH. Docteur. Mwalimu mkubwa. Directeur. Directeur. DG. Révérend. Mheshimiwa. Docteur. Mwalimu. Pasteur. Pastori. C'est un comportement. Ni mwenyendo. Purement. Kabisa. Africain. Mais si vous allez en France, la qui nous vient d'en France, on dit quoi? Monsieur Jacques Chirac. Monsieur Bwana Sarkozy. Monsieur Bwana le Premier ministre. Premier ministre. Et c'est bon. Nani mzuri kwa? Et c'est merveilleux. Nani adamani. Osez le faire au Congo. Pima kufale mambo mu Congo. Mais les gars de Corée même vont te dire, mais tu ne mérites pas même de voir le premier ministre. Waskari wachunga raisi watasema ustahili hata kwenda kumuona premier ministre. C'est un comportement. Ni mwenendo. Regardez le comportement de Dieu. Tazameni mwenendo ya Mungu. Comment vous l'appelez? Mnamuitaka je? Notre Seigneur. Bwana wetu. Et sauveur. Na mokozi. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Comment vous l'appelez? Mnamuitaka je? Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est un comportement. Ni mwenendo. Amen. Amen. Alors quand vous êtes un missionnaire, sasa wakati kumhubiri wa habari njema, tenez compte de toutes ces choses. Wewe upate kuangalishisha ile vitu vyote. Tiens-toi à la parole de Dieu. Bakilia paka kuneno la Mungu. Prêche seulement la parole de Dieu. Ubiri tu paka neno la Mungu. Et laissez le reste. Naacha mabaki. La seule chose qui peut changer les gens. Kitu kimoja kinaweza kubadilisha watu. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Amen. C'est pour cela Paul. Dua hiyo Paulo. Savait. Le seul conseil que je te laisse Timothée. Tauri tu moja na kupatia Timothée. Au moment favorable uno. Wakati mzuri wala pana. Prêche la parole. Ubiri neno. Alléluia. Amen. Insiste. Weka mkazo. Kemea. Exhort. Onya. Sing la parole. Yulu ya neno. C'est tout. Kuna malizika. Et Paul pouvait dire, na Paul, je ne veux rien savoir autre chose au milieu de vous. Ah, kitu kinapenda si ce n'est Jésus-Christ, mort, ressuscité et vivant au siècle de siècle. C'est un comportement. Ni mwenendo nayo. Si tu te comportes comme ça, muna, partout tu passeras, tapita, on te dira, reviens encore. Que Dieu vous aide à comprendre. Regardez un enfant. Tazameni mtoto. Un comportement. Mwenendo. Fillette. Binti, katoto kaduka na mke. 4 à 12 ans. Avec la miaka ine, wala kumina, kufika kumina mbili. Vous la voyez déjà. Unamuona pale pale. Maman, maman. Maman. Maman. Maman. Amène-moi chez la tailleuse. Unipeleke kwa ule wa kushona mavazi. Pourquoi Anabeba. Eh ni mama. Anasema mama. Donne-moi votre habit. Unipatie kikwembe yako nguo yako. Elle prend votre habit. Anabeba kikwembe yako. Elle met le bébé là. Anaweka ule mtoto mkubwa. Elle commence à chanter. Anaanza kumwimbia. Bébé. Bébé. Sois gentil. Uwe mwema. Nyamaza, ushilie. Bédodo. Lala. Vous êtes en train de l'observer. Muko namwangalishisha pale. Apprenta. Kita muda fulani. Mon bébé dort déjà. Mtoto wangu atalala. Sommeil. Bushingishi. Elle prend elle met. Anamweka anambeba anamweka pa mkongo. Elle prend la part. Anabeba kikwembe. Elle anamfunga. Elle fait comme ça. Anaanza kumtutusha kumtekua. Elle fait son bébé. Eko anabembeleza mtoto yake. C'est quoi? Ni nini ile? C'est quoi? Ni nini ile? C'est un comportement. Ni mwenendo de la maternité. Ya mumama. Ce qui est en toi. Yenye kwa ndani yako. Ne peut pas se cacher toujours. Haiwezi kuendelea na kujificha. Petite fillette. Katoto kadogo kana mke. Kwa miaka 6. Mais déjà. Lakini pale pale. Elle laisse voir. Eko naonesha. Que quand elle grandira. Ya baba wakati atakomala. Ça sera une vraie mère. Atakuwa kama mama mwema wa kweli. Ça ne rate pas. Na haikosaki. Frère. Duku. Ça ne rate pas. Haikosekana ki ata. Atafika paka kubumama wa kweli. Demandez au père. Mulize bababa. Demandez au mère. Mulize bamama. Demandez au sage. Mulize benye hekima. Vous voyez un jeune garçon. Unaona kiana mwanaume. Parmi 10 garçons. Katikati ya mabiana wanaume 10. Moi je suis le maître. Anasema mimi ndio mkushef. Je suis l'enseignant. Mimi ndio mwalimu. Elle commence à prendre les cahiers, des chiffres, des papiers. Anapasura papiers, anakabula huyu, anakabula wengine. Il cherche les crayons. Anatafuta makrayon. Loue le bois, loue le bois là. Voilà tout ribu. Et donc ça c'est le bic. Hii ndio bic. Moi je suis l'enseignant. Mimi ndio mwalimu. Il commence à donner. Anaanza kufundisha. Vous pensez que c'est un diadème. C'est un comportement de responsable, ya mabzido, d'enseignant, ya mwalimu, de professeur, ya mwalimu, qui s'extériorise et se manifeste par un comportement. Regardez. Tazameni. La plupart des prêtres catholiques. Wengi kati ya wapadiri katolika. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas de dons. Usiwazie kusema bana na mazawadi. C'est par vocation. Ni kwa mwito. Qu'ils vont au couvent. Ndio kwa nenda kule kwa maseminari. Mais mal orienté. Lakini banaongoza vibaya. Mais c'est une vocation. Lakini ni mwito ndani yao. Qui le pousse à basukuma. À chercher à servir. Batafute kumtumikia Mungu. Est-ce que vous me suivez? Une fois il est converti à la vraie parole. Wakati tu anaamini neno la kweli. Vous verrez qu'il a un don de la prédication. Mutaona kwamba iko na zawadi ya kuhubiri. C'est cette vocation. Ni ile mwito. Yenye kwa ndani yake. Lakini banipeleka Dubai. Ndio nimpeleka kule. Dale kuva. Mule mu seminari. Est-ce que vous me suivez? Et tu m'enifata. Le comportement. Mwenyendo. Dis ce que tu es. Iko na one inasema kile wewe uko. Le comportement. Mwenyendo. Ne mange jamais. Ailandake kamwe. Tu peux me tromper par les belles paroles. Unawezi kunilanda kwa misemo ya mzuri. Mais la façon dont tu te comportes à mon égard. Lakini namna unajiongoza mbele yangu. Inasema tu penses de moi réellement. Iko nasema kile uko niwazia kweli kweli. Amen. Amen. Regardez les jeunes gens. Tazameni babiana. Vous vous serez quoi? Unasema unapendeka nini? Moi je serai médecin. Mimi nitakuwa mganga. Vous pensez que c'est de la blague? Unaweza sasa ni miza. Vous dites non, frère. Je ne parle pas wapanye basapana. Quand un enfant te dit. Wakati mtoto anakonesha. Toi tu es papa, tu es technicien. Baba ulikuwa technicien. Tu veux que tous tes enfants soient techniciens. Batoto wako bado wako technicien. Habitendeka. Un technicien n'aime pas au monde un technicien. Technicien azalaki technicien qui a mara aigalaki njo vile. Laissez la vocation acha mwito de l'enfant ya mutoto faire le choix ipate kuchagua. Et dit non, moi je serai tailleur. Mimi takwa wa kushona. Ma fille, nous sommes de la classe noble. Je suis kubeshimi wa kaiba yulu. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ana franga ya kukosa ndio kupeleka kwa États-Unis ku France. Anasema mimi mama mimi napenda kuwa wa kushona. Oh non! Hapana. Oh non! Hapana. Non, c'est pour les petits gens. Ile ni abantu bachini. Ce n'est pas ça pour les petites gens. Laissez la vocation. Acha mwito. Laissez l'intérieur de l'intérieur de l'homme. Acha ndani ya mwito. S'exprimer. Ipate kusema na kuonekanika na pale. Vous verrez qu'il va réussir. Utaona kwamba ataweza. J'ai vu des femmes. Niliona banamuke. Par la vente de bread. Kupitia mkuzicho kama kala. Faire étudier 8 enfants à l'université. Anafundisha batoto munane ku université. Veuve de son état. Muyane. Je ne t'ai pas dit qu'elle est partie couper les bois. Mais si kuonesha kusema alienda kukata miti mpole. Elle brille elle-même. Anachoma yeye mwenyewe makala. Elle achète les braises. Anauza makala mu madepot. Sur place à Goma. Pale ku Goma. Anaweza pale fungo ya Delta, fungo ya Mi, fungo ya Desta. Faire étudier. Anafundisha des enfants. Batoto à l'université. Ku université. Et j'ai vu. Na niliona. Des riches. Watajiri. Échoué. Kushindwa. À faire étudier des enfants. Kufundisha batoto yabo. Mais j'ai l'envie. Macho yangu lione ile mambo. Ma vie l'a constaté. Na maisha yangu liliona ile mambo. Alléluia. Amen. Bien-aimé frère. Wapendwa ndugu. Les apparences sont trompeuses. Hali ya inji inadanganaka. Frère. Ndugu. En matière du mariage. Ku mambo ya ndoa. Je te dis au nom de Jésus. Na kuonesha mujina la Yesu Kristo. Mon appui pour ça. Ma les bamingi, apparences sont trompeuses. Hali ya inji kuna landa. Tes yeux, mes yeux. Macho yako na yangu. Iko na tulanda. Pour Dieu, kwa Mungu, la beauté, urembo, il l'a caché à l'intérieur. Alificha mule ndani. La féminité, bukike, la douceur, upole. Amen. Amen. L'hospitalité, kuya kupokelea wageni. La maternité, mama. Ça sont des beautés que tu ne peux si, jamais comparer à autre. Ni maurembo ile hawezi kufananisha na kitu kyokyote. Regardez les jolies femmes. Tazameni balamuke baruzuri kwa uso wengi kati yao. Ni balamuke bakwenda mabali ya usiku jwani bumba. Hapana na uwezo d'être mère. Ya boku ya mamama. Elle ne peut pas supporter le foyer. Hawezi kuvumilia ndoa jamaa. Elle voit la beauté. Anaona uzuri wake. Sa hotel. Anaona urembo yake. Anaangalia hali umbo yake. Elle voit. Anaona na uwezo. Mais vous voyez une femme lakini una mwanamke sans beauté éclat bila urembo wa kwanga sans rien bila kitu chochote lakini elle te met les enfants anakuzaria mtoto elle supporte l'enfant anavumilia mtoto l'enfant fait tout ce qu'il peut faire mtoto anafanya ile tangu rendu capable Elle a des choses terribles. Elle s'est mise à garder les enfants. Elle commence à marcher comme ça. Elle a supporté ta grossesse. Elle a supporté ta grossesse. Non, il faut qu'on t'opère. La maternité en elle. Maman, dans les mois, elle a fait ma part. Je porte seulement. Elle vient de rentrer à Capa. Elle a mené au monde. C'est la maternité. Ni bumama. Ce comportement-là, il est on ne peut pas l'acheter avec la. Ah ouais, que vous en avez ça. On ne peut pas l'acheter avec la civilisation. Ah ouais, que vous en avez zungu. C'est un comportement. C'est Dieu qui a. Être pasteur. Ce n'est pas être long. Ce n'est pas bien parler français. Ce n'est pas aller dans la théologie. C'est une valeur que Dieu a. Ni bei ile Mungu aliweka ndani. Alléluia. Amen. C'est un comportement. Quelqu'un qui peut supporter n'importe quoi. C'est un comportement. Ni mwenendo. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Léo, les assemblées, Mamakutani, ils lisent des voyages, des ministres, des missionnaires, des safari, qui arrivent à un endroit, on te dit, il y a les haricots ici, sans sel, bila chumvi, sans huile, bila mafuta, c'est tout ce que Dieu nous a donné. Frère, frère, duku, non frère, apana, duku, au niveau où nous sommes arrivés, kufikia, il faut dire respect aux hommes de Dieu. C'est un comportement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Nini, yetu, si vous entrez dans une ville, vous y trouvez un enfant de paix. Entrez dans la maison. Mangez tout ce qu'on vous donnera. Alléluia. Amen. Jusqu'au jour où vous sortirez. Il proclame que la paix de l'Éternel, que Dieu trouvait dans cette maison, parte avec moi et laquelle que j'ai amenée, que j'ai dans cette maison. C'est un comportement. Tu es ministre, missionnaire, tu exiges des choses luxueuses, des traitements luxueux, des choses extravagantes. Allez travailler et tu auras ces choses-là. Mais l'évangile, c'est la modestie, c'est la simplicité. Alléluia. Amen. Nous ne cherchons pas, c'est Dieu qui cherche. Amen. Amen. La façon dont vous agissez. Namna yako kuna tenda. Montre ce que vous êtes. Inaonesha kile uiko. Inaonesha? Ça montre quoi? Ce que tu es. L'homme de Dieu arrive chez toi. Kwa Mungu anafika kwako. C'est comme si il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé. Utona saa kuna mtu anafika kwako. Mais c'est ce que tu penses de lui. Ni njoo kile uko nawaza juu yake. Pastor, notre pasteur. Oh, notre pasteur. Je ne t'avais pas vu. Muongo manamuke. Ton comportement là, ile, le premier là, il est à quoi Jolonesha? Je ne crois ndani yako, ndio ya pastoro wako. Je ne parle pas seulement localement. Mais j'étais ndio pa ali tu. Ton mari vient. Bwana kwa nakuja. Avec un petit sachet de 1 kilo là. Na sachet kidogo de 1 kilo. Alitosha jasho. Pour avoir ça. Ndio kupata ile kuli. Il est dans la joie. Et comme fura, l'Éternel m'a donné la vie. Il vient à la maison. Anakuwa kunyumba. La femme est assise là-bas. Mouki asha ikala tu. Aka njo ka sachet mwanome mzima na kuyaka. Tout un homme là est marié, tu amènes seulement avec un petit sachet comme ça. Mungu. Dieu. Mungu. Oh Dieu. Niliolewa kana mwenye aiko bwanangu. J'étais épousé par un homme qui ne va pas dire. Elle a sa sema. Tu sauras par les comportements. Tu as eu le mambo kupita mwenendo yake. Est-ce que vous savez que le corps humain a un comportement? Et tu n'as jamais sema mwili abu mungu lela mwenendo yayo. Que le corps humain a un langage. Tu n'as jamais sema mwili nawe na sema. Le langage du corps. Ile bwana sema kama msemeo ya mwili. Quand quelqu'un est avec toi, il n'est pas avec toi. Wakati mtu yuko na wewe lakini ana na wewe. Le corps va parler. Mwili tasema. Tu parles, il est là. Uko na sema yeye uko pale tu. Uko naangalia huko na huko. Tu avais vu le langage d'Outenika de Mzee Kabila et Mobutu. Ulionaka msemeo kule kuutenika wakati ya Mzee na Rais Mobutu Mandela pakati. Mzee tena. Mzee alikuwa pale. Mobutu pale. Mobutu alikuwa mkusema. Mzee regarde. Mzee alikuwa anangalia yulu. Cela veut dire il est pas là. Achukue pale. C'est un comportement. Ni mwenyendo. Vous appelez des frères dans les bureaux. Un couple, vous parlez. Vous voyez la sœur regarde. C'est un comportement. Elle n'a pas de référence. Elle n'a pas de garde. C'est un comportement. Et Dieu nous a rendu capables par son esprit de juger même les profondeurs de Dieu. Frère Branham dit, Duku Branham anasema, soyez attentif. Mwe wasikilivu mfate. Soyez attentif. Mfate. Idi. Anasema. Ainsi donc. Ivi basi. Votre comportement. Mwenyendo yako. La façon dont vous agissez. Namna yako kutenda. Montre ce que vous êtes. Ikonaonesha kile huko. Ça c'est l'église et sa condition. Hii ni mwabili kanisa na hali yao. 29 juillet 1953. Paul dit à Timothée. Paul anasema na Timothée. En Timothée 3:15. Timothée wa kwanza sura 3 mstari 15. Mais afin que tu saches. Laki ili upate kujua. Si je tarde. Kama nikigawia. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Na napata kujongoza mnyumba ya Mungu. Qui est l'église? Yenye kwa kanisa. Ya Mungu mwenye kwa hai. La colonne. Nguzo. Et la pluie. Na tegemeo. De la vérité. La ukweli. Dans l'église, Mukanisa, il y a une façon de s'y comporter. Muko namna kujongoza mo. J'ai vu des ensembles. Niliona mamakutano. Dès qu'on termine, à chanter après la prédication. Wakati unamaliza tu kuimba kisha mahubiri. Tout le monde se célèbre. Bote wanalamuka. Demain, bote pamoja bobe ngi wanaanza kwenda. Mais ce n'est pas un marché, madame et monsieur. Eh bwana, aina nsoko. Dans l'église de Dieu, Mukanisa ya Mungu, il y a un comportement. Muko mwenyendo. Alléluia. Amen. Vous êtes assis là-bas. Vous êtes cala parle. Vous êtes en train de chatter. Mukona, vous parlez sur cala, lakini kuna telefoni yako, kuna kuna chatter, kuna mwenye. C'est un comportement. Ni mwenyendo nayo. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Devant l'église. Mbele ya kanisa. Et devant celui qui prêche. Na mbele ya ule unahubiri. Amen. Amen. Laissez le service de communication. Mwache mambo ya kupatana pale ya kusema communication hii. Eh, se parler là. Boga na semana, bora kuzungumza. Boga na wezi kuzungumza bila technicien. Le son n'est pas bon. Ba technicien wezi kuzungumza. C'est lié. Il est hôtel ni pas muibada. Mais tu es en train de chatter. Lakini wako na chatter kwa internet. Avec quelqu'un qui a jambes. Na mtu wako jambes. Qui est à Goma. Wako ku Goma. Qui est à la maison. Wako ku nyumba. Et prépare bien le mikebuka. Wako piga mzuri ile mikebuka. Tutakuya. C'est un comportement. C'est ce que tu penses de l'église. C'est ce que tu penses de Dieu. C'est ce que tu penses de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Paul dit à Timothée. Paul anamwonyesha Timothée. Attention avec l'église. Poka na ile kanisa. C'est la colonne. Ni nguzo. Et la pluie. Na tegemeo. De la parole de Dieu. La neno la ukweli. Quand tu y vas. Wakati unaenda kule. Ecclésiaste dit. Mubira anasema. Fais attention. Sopoka. De la manière dont tu y vas. Namna unaenda kule. Alléluia. Amen. Allez à l'église. Enda kanisa. Non pour se faire valoir. Hapana njoo upate kuonekana. Mais pour écouter la parole. Lakini njoo kusikia neno la Mungu. Un comportement. Mwenyendo. Febranam. Dubranam. Nous montre un prédicateur. Anaitoneta mubiri moja. Il prêche, il prêche. Anaubiri, anaubiri. 10 minutes. Dakika kumi. Il dit, attendez. Anasema mungoje kwanza. Il enlève le costume. Anatosha nkoti. Il entre là. Anaingia kule. Il entre là. Anaingia kule kumkongo. Il dépose le costume. Anatuweka nkoti kule. Il part. Anenda. Il prend un autre. Anavua la ingine. Il vient encore. Anakuwa tena. Il prêche, il prêche. Anaubiri, anaubiri, anaubiri. Un peu de chaleur. Kivukutu kidogo. Il enlève le costume. Anatosha nkoti. Il part encore là-bas. Anenda kumkongo. Il prend un autre costume. Anavua la nkoti ingine. Il continue. Anaendelea, anaendelea. Frère Branham dit. Du Branham asema. Cet homme là. Ule mtu ule. Il a un comportement. Eko na mwenyendo. De pasteur. Ya pastori. Mene, il est du haut de la chair. Eko kumimbari. Comme un pasteur. Sawa pastori. Mais le comportement. Lakini mwenyendo yake. Ni ya kukopeta kutokelea. Puisque les stars aiment se faire valoir, montrer ce qu'ils sont, leur capacité économique, leur valeur de souliers, la montre qu'ils font, c'est un comportement de stars. Ni mwenyendo ya bale babatu wa mudunia kupenda kutokelea. Regardez Regarde nos jeunes filles. Avec les photos. Na ma photo. Et prends-moi les photos. Atapambita photo. Ala nyangula ko mkulu. Ala geuki oku. C'est un comportement. Ni mwenendo nayo. Et c'est un esprit. Na ni roho. Laissez ça. Mwate bile bintu. On vedete. Kubale ba star. Soyez vous-même. Uwe kile uko. Christ n'est pas mon renvers. Il est venu détruire toutes ces choses. Un comportement. Alléluia. Amen. Ça c'est quel comportement? Il est le yangu. Que le Seigneur vous aide à comprendre. Écoutez ce que fait Branham. Écoutez. Dieu aussi. Mungu nae. Il a un comportement. Dieu, Mungu, que nous croyons, que nous aimons, que nous sommes venus chercher, il y a un comportement. Comme toi tu as un comportement, hérité du péché, il est le rite du Zambi, Dieu, Mungu, a un comportement de sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il veut. Anapenda. Rendre ton ancien comportement. Et donner les choses. Comportement à lui. Vous avez chanté les cantiques. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Les comportements. Mwenyendo. Les comportements de Dieu. Mwenyendo ya Mungu. C'est sa personne. Ni bumutu bwake. Kile yeko. Et son comportement. Yake. C'est ce qui fait connaître sa personne. Dieu est le bon adjulis ya bumutu bwake. Le comportement de Dieu, c'est sa personne. Nibumutu bwake kile ye eko. Dieu, Mungu, a une personnalité. Eko na bumutu bwake. C'est un grand homme. Ye ni mutu mkubwa. Il est souverain. Eko na tawala ye il est omniscient. Anajua yote. Il est omnipotent. Eko fa, il est omniprésent. Eko fazi yote. Alléluia. Amen. Il est souverain. Eko na tawala kwa ye mnyewe. Il fait ce qu'il veut. Anafanya kile anapenda. Quand il vient, wakati unakuja, comprenez que c'est ça. Elewa kusema ile ndio vile e Mungu eko ndio mtu wake. Toi prédicateur. Wewe mhubiri. Toi diacre. Wewe shemashi. Toi ancien. Wewe mzee. Le Dieu là. Mungu ule. Ule unatumikia. Anatawala kwa ye mnyewe. Respecte lui. Umheshimu. Serve lui dans le tremblement. Umtumikie na kutetemeka. Et yes son comportement. Na upate kubeba mwenendo yake. Si tu lui sers. Ukamtumikia. Avec ton comportement. Na mwenendo yako wewe. Il y aura une compatibilité. Bala kutakuwa kupatana. Amen. Amen. Il dit. Anasema. Sa personne. Et son comportement. Na mwenendo yake. C'est ce qui fait. Ndere unafanya. Connaître. Kujulisha. Sa personne. Bumutu bwake. Ton comportement. Ça c'est Dieu. Il est le Mungu. L'homme de Dieu suit. Abi tu as Mungu à l'Éthia. Dans le livre de Hébreux chapitre 6. Kitabu ya Hebrewia sura 6. Amen. Amen. Ah, paragraphe 3. Nukta ya 3. 552. Et c'est la même chose. Na ni kitu moya moya. Pour vous. Kwako wewe. Pour vous. Kwenu mwewe. Amen. Amen. Et c'est la même chose. Na ni kitu moya moya kwenu mwewe. Votre comportement. Mwenendo yako. Dans la vie. Mu maisha. Et dit que ce que vous êtes. Niko naonesha kile uiko. Votre comportement. Mwenendo yako. Dans la vie. Katika maisha. Et dit que ce que vous êtes. Niko naonesha kile uiko. Nous allons construire. Tutajenga. Toi. Wewe. Tu n'y es pas. Hauna ta kule. Nous allons acheter les instruments de la vie. Toi, tu n'y es pas. Hauna ta kule. Nous allons faire des toilettes. Tutafanya toilettes mkongo wa unata kule. Et non de la pauvreté. Mungina tu umaskini. Est-ce que tu ne manges pas? Eti aukulake. Même la pauvre. Ata maskini. Donne d'ailleurs le meilleur de ce qu'elle a. Analetaka zaidi kizuri kile yuko nacho. Et Jésus l'avait dit. Na Yesu alisemaka. C'est un comportement. Ni mwenendo nayo. Bien aimé frère. Wapendwa ndugu. Kila mara. Ce ne sont pas les riches qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Aina watajiri wanashikamishaka na kusaidia kazi ya Mungu. Ce sont les simples gens. Ni batu wenye jeu. C'est qui porte l'œuvre de Dieu. Ni bonjo wenye kuchukua kazi ya Mungu. C'est qui ont le poids de l'œuvre de Dieu. Ni bonjo wenye kwa vuzito kazi ya Mungu. Ils connaissent où est-ce qu'ils sont sortis. Banajua wapi wanatoka. Un comportement. Mwenendo. Comportement. Après avoir reçu ce message, au début de ce message, demandez les anciens frères et sœurs, les mots, faisait confiance aux gens du message. Ils ne croyaient pas ce que nous croyons. Mais notre comportement, c'était une bombe en verre. Alléluia. Amen. Vous êtes ici aujourd'hui. C'est puisqu'il y a eu des gens. Au début, ils avaient le comportement de Dieu. Sans ces gens-là, cette œuvre ne serait pas là. Frère, ton comportement parle plus que ta prédication. Kuliko maubiri yako. Non, ne t'en fais pas. Merci frère Junius. Laisse ça. Voilà, c'est un comportement. Alors j'accepte ton comportement. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Frère Branham dit ceci. Dans la prédication. Maubiri, le départ. Safari. Secret de l'église. Kwa Rafa na kwa Siri si ya kanisa. La citation africaine. Ukipenda msemo nukta kisha mutu. Mais j'aimerais lire ça, mais ça va me prendre beaucoup de temps. J'aimerais être bref pour que ça entre. Napenda kwa mfupi ili pate kuingia. Son nom c'est Jean. Jina lake ni Yohana. Ce monsieur Jean-là. Ule bwana Yohana. Il avait une bonne vie. Alikuwa na maisha nzuri. Socialement par là. Mukusema tu maisha kimutu. Alikuwa na kona fedha na namna. Mais c'était un mauvais monsieur. Lakini alikuwa mutu mubaya. Il travaillait. Alikuwa natumikaka. Avec un chrétien. Na mukristu. Comme il vivait à la maison, c'est la même chose qu'il vivait au bureau. Il faisait du mal à son collègue croyant. Il lui a fait beaucoup de mal. Mais le croyant avait un comportement digne de l'évangile. Christ était dans sa vie. Christ n'était pas une connaissance. Christ était une réalité. Il a fait du mal. Il a fait du mal. Il a dit non. Je suis fatigué de faire du mal à ce mec. Il est inoxydable. Il est lui-même. Il a dit par surprise. Kwa kumshutusha, je irai voir qu'est-ce qui fait qu'il soit comme ça. Mitaenda kuona ni nini namfanya kuwe vile eko. Il est venu à l'église. Akakuwa kanisa. On l'a reçu. Bakampokea. Il s'est assis. Akaikala. On a chanté. Tukaimba. On a adoré. Bakaabudu. On a loué. Bakasifu. On a prêché. Bakahubiri. Après la prédication. Kisha mahubiri. Qui sera baptisé? Nani atabatizwa? Personne. Akukuwe mutu. Après, on veut dire maintenant, allons dans la paix du Seigneur. Il dit au diacre, communique au pasteur que je serai baptisé. Umoneshe pasteur mi batani baptize. Le pasteur dans la joie. Pasteur katika furaha. Ma prédication. Oh, mahubiri yangu. Vraiment. Kweli, la parole de Dieu. Neno la Mungu. Elle ne peut pas sortir. Haiwezi kutoka. Et revenir la kurudia kwa Mungu bila kufanya kazi. Maintenant le pasteur. Sasa pasteur akasema. Ili. Akasema. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Unapenda kutoa uzima wako kwa Bwana Yesu Kristo ndio. Dans ma prédication là, ndani ya ile mahubiri yangu, forte, ya nguvu, puissant, ya uwezo, plein de vie, yenye kujana uzima. Quel verset de la Bible que j'ai lu? Ni andiko kana Biblia nilisoma. Kita touché. Ile ilikuguta sana, ili upate kwa Bwana. Il dit OK. Akasema kuna hata andiko moja. Il dit ah. Sema ah. Bon. Sawa. Quand le directeur de cantique, wakati mwongozo wa nyimbo, le cantique là, aliongoza nyimbo, quel cantique qui t'a émerveillé? Nyimbo kani ilikushamusha ile kupata furaha. Ili upate kutoa uzima kwa Yesu. Okay. Hakuna hata nyimbo moja. Pastor Jimena, comment on va te baptiser? Sasa tutakubatiza je? Le baptême. Au baptiser. C'est une bonne conscience. Ni dhamiri safi. Une conscience. Kukiri kwa dhamiri safi mbele ya Mungu na mbele ya watu. Tu n'as pas été troué. Tu veux seulement aller dans. Unakuwa tu kupenda kuingize mumaji. L'homme était tellement sûr de lui. Mtu alikuwa hakika sana na yeye mwenyewe. Il dit bon. Akasema sawa, mzuri. Tu tiens toujours à être baptisé. Unapenda pas kubatizwa sendio. Leo. Je ne pars pas sans baptême. Mimi siwezi kwenda bila kubatizwa. Bon, ok. Sao. Quand les diacres t'ont reçu, wakati wa shemashi walikupokea. Lequel des diacres? Nani wakati wa shemashi alikupokea mzuri? Tu t'es senti honoré. Ulisikia unaheshimishwa. Asema hata moya. Je dis bravo. Sawa. Si on va arrêter le baptême. Sasa tashimamisha ubatizo. Et dit aujourd'hui, c'est leo, je dois être baptisé. Mina pasha kubatiziwa. Le pasteur a dit. Pasteur a dit. Mais je te connais comme un mauvais mari. Sina kujua sa bwana mbaya. Tu as de l'argent. Mais tu fais souffrir ta femme. Tu fais souffrir tes enfants. Unatesa watoto yako. Comment te baptiser? Je kukubatiza. Et tu n'as pas été touché. Na wakuguse. Il dit pasteur, est-ce que je paye je peux parler. Et tu n'as pas dit oui, parler. Dis, Osema. Tu as prêché. Ulubiri. Je n'ai rien été saisi. Lakini shikushiko na kitu. On a chanté. Balimba. Je n'ai rien été saisi. Lakini shikushiko. Mais dans cette église, il y a un monsieur moya, qui est mon collègue de moya service. Kwa ungo kazi. Je lui ai déjà fait beaucoup d'histoire. Je l'ai trahi. Nilimutoa. Je lui ai fait ceci. Il est resté toujours aimable. Il est toujours plein d'amour. Il est toujours plein de bonté. Il est toujours disposé à m'aider. Sa vie m'attise chaque jour. Et sa vie me rend malade. Je sens que je dois adapter sa vie là. Voilà pourquoi son comportement j'ai accepté de suivre Jésus Christ. Un comportement. Mwenyendo. Un comportement. Mwenyendo. Ton comportement ici. Mwenyendo yako. C'est l'évangélisation. Ni maubiri. De Kambov. Ya Mkambov. Ton comportement. Mwenyendo yako. Fait amener les chats ici. Inaweza kuleta batu hapa. Ton comportement. Mwenyendo yako. Fait chasser les chats. Inaweza kufukuza batu hapa. Parole de Dieu. Neno la Mungu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Eti muna fata mkwapa. Vous êtes là. Muna fata. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki. Alléluia. Amen. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de connaisseurs, mais là, mais vite. Akini mulendani, ni wazi. Le cœur est vite. Moyo ko wazi. Ils connaissent. Banajua bya mingi. Et des prédicateurs. Na waubiri. Ils viennent prêcher. Beo na wakubiri. Ils démontrent les versets. Na konesha mandiko. Ils démontrent comme ils sont assis, assis sous le ministère du docteur. Ils démontrent mwalimu, mwaminifu, na mwerevu. Qui nous aide à chercher les citations. Et les versets de concordance biblique. Mandiko. Tout est facile. Na mwenesha kombatana mzuri zuri. Ils prêchent comme un docteur. Sawa mwalimu. Mais le comportement. Lakini mwenyendo. Le comportement zéro. Mwenyendo sifuru. L'ancien évangile Injili ya zamani change l'homme de l'intérieur. Il badilisha mutu kwa ndani. Touche l'intérieur. Inagusa ndani. Secoue l'intérieur. Inateketa ndani. L'homme commence à regretter. Mutu anaanza kuzunika. Les larmes montent. Machozi na vuya. Il ne peut pas sortir. Hawezi kutoka. Sans demander le baptême. Bila kuomba ubatizo. Pas puisqu'on appelle l'appel. Hapana tu alika. Le cœur était touché. Lakini moyo uliguswa. Et c'est cet évangile par lequel nous on avait écrit. Nani ile injili kupitia hiyo siwezi kuamini. Tous ceux qui ont crié de cette manière. Wale wote waliamini mule namuna. Qu'il plaît. Mambo qu'il neige. Mambo comme qui est la nourriture. Qui est pas la nourriture. Il y a la vie de Dieu. Ndani mwabo mukupaka kuzima ya Mungu. Un comportement. Mwenyendo. Vous direz mais à partir de ce leo. Je vais maintenant. Imiter un comportement. On ne l'imite pas. Ça sortira. Il t'attoque. J'étais chez le frère Aaron. Il quoi quand tu Aaron? Kiungu de. Kiungu. Le responsable de l'église de Luambo. Pasteur Mchungaji Makutano ya Luambo. Il a une puits. Eko na kishima. Dans la cité de Crevasse. Mu kishima ya kutoboka. Branham typifie des puits. Branham anafananisha mabishima mbili. Le cité de Crevasse. Mabishima ya kutoboka. Et le puits cartésien. Na shima ya kishima ya kufunga mzuri. Je regardais dans la profondeur du puits. Nikatazama mu pana ile kishima. L'eau jaillit. Maji ilikuwa natokota, kunabubujika, kunabubujika. Sortait de lui-même. Iko natoka chini yenyewe kishima. Et l'eau est propre. Na maji iko safi. Elle est connectée à une source intérieure. Iko kuunganishwa na chemchemu la Yesu. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit. Na Yesu alisema. Si vous croyez Kiamini neno langu selon les écritures des fleuves d'eau vive mito ya maji ya uzima itabubujika ndani mwenu. C'est ça l'évangile de Branham. C'est ça l'évangile de Paul. Joe injili ya Paulo. C'est ça l'évangile de Pierre. Joe injili ya Pedro. C'est ça l'évangile de Jésus. Joe injili ya Yesu. C'est ça l'évangile d'Irénée. Joe injili ya Irénée. C'est ça l'évangile de Colomba. Joe injili ya Colomba. Quel est ton évangile? Injili wako ni aje? Vous voyez cette source là. On a une chemchem. On puise. Banashota. Maina kuja. Banashota. Maina kuja. Pourquoi? Jua nini? Elle est connectée. Iko yenye kuunganishwa. À une citerne. On l'appelle citerne chemchemu ya kuzibia mzuri. Ma soeur, dada yangu, nous sommes des colons. Est-ce que tu connais la colonne? Et tunayo njiwa. Dans la prédication, mahubiri, l'agneau est la colonne. Mwana kondoo njiwa. De la vie de la. Branham anasema njiwa maisha. La colonne njiwa n'a pas l'huile de l'extérieur. Yeye ana na mafuta ya nje. La colonne njiwa à l'huile de l'intérieur. Eko na mafuta ya ndani. Quand les plumes extérieures, wakati manyonya ya nje, sont sales, inakuwa buchafu. La colombe, jiwa, ne part pas dans la poussière. Atendake mavumbi. C'est vous qui leur donnez de l'eau. Ni mmoja unapataka maji. Mais dans la nature, lakini mwasili ya njiwa, Dieu l'a conçu. Mungu alimtunga. Lui a donné un comportement. Akampatia mwenyewe. Quand les plumes sont sales, wakati manyonya la colombe doit savoir. Jiwa yeye anapata kujua. L'automatisme est déclenché. Pale pale tu kunaamuka ndani mwake. Dans l'intérieur. Mule ndani. Elle jette l'huile. Anatosha mafuta. L'huile sort de l'intérieur. Inatoka kwa ndani. Fait sortir la saleté sur na le pied. Natosha buchafu kumanyonya. Demain vous la voyez les plumes sont jiwa, manyonya yote ko safi. Et Branham dit. Na Branham anasema. Le croyant. Mwaminifu. Le véritable croyant. Mwaminifu wa kweli. Ni njiwa. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de soigner l'extérieur. Hatuna lazima kutunza kwa nje. Prends l'évangile. Beba injili. Et l'huile du Saint-Esprit. Na mafuta ya Roho Mtakatifu. Viendra l'évangile. Itakuwa kule ndani. Ça va influencer l'extérieur. Itakuta nje yako. Nous allons crier pour que tu dois change. Tu ne pourras jamais changer. Crois Jésus-Christ. Reçois sa parole. Crois en sa parole. Et ça te donnera le pouvoir. Un comportement. Mwenyendo. Alléluia. Amen. Oh mon frère Jacques. Oh Ndugu Jacques, pardon. On a pitié à moi. Écoutez frère Branham. Amen. Amen. Je vais utiliser beaucoup aujourd'hui Branham. Léon Tatumia Zaïd Ndugu Branham. Amen. Amen. Mais j'ai vu. Lakini niliona. C'est que l'évangile fait d'une personne. Il est injili unafanya kwa mtu. Quand il s'en prend. Wakati inabeba. Réellement d'elle. Hakika kweli ule mtu. Alléluia. Amen. Il dit. Anasema. Ça c'est Branham. Huyu ni Branham. Amen. Amen. Il dit moi, anasema mie, Branham, mie Branham, j'ai vu, niliona, c'est que l'évangile, il est injili, fait d'une personne, unafanya kwa mutu, quand il s'empare réellement d'elle, wakati ile injili namushika ule mutu, ah, cela change votre apparence, ile unabadilisha hali yako ya nje. Répétez-moi bien. Ile unabadilisha hali yako ya nje. L'évangile fait quoi? Injili unafanya nini? Inabadilisha hali. Ça change quoi? Bon. Oh non! Oh, apana. Je ne regarde pas le tout. Je regarde l'intérieur. Je regarde pas l'intérieur. C'est l'évangile de l'Odyssée. Il est l'évangile de l'Odyssée. Pour Dieu. Kwa Mungu. Dieu. Mungu. Son évangile. Injili yake. Commence par l'intérieur. Vient d'ani. Avec des fers, avec des chaînettes. Na badada wa kupala mabia mshingo. Oh, Meda avait une chaînette. Oh, Meda avait aussi une chaînette. Meda n'est pas le modèle de la Bible. Meda, ana ndio mfano wa Biblia. C'est l'écriture qui est le modèle de Dieu. Andiko ndio mfano ya Mungu. Attention. Sopoka keba ange. Oh, apana. Krefelde. Krefelde. Bonjour, déjà été là. Oui, ça Krefelde. Oh, Krefelde. Les hommes et les femmes sont assis. Basana wanamuke banakalaka bote pamoja. C'est un comportement européen. Ni mwenyendo ya kubulaya. Ça n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Ayambatana na mambo na neno la Mungu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et vous n'êtes pas au front des lois? Oh, mure tanga sana na bijira na mingi. Les hommes ici, les femmes ici, wanamuke huku bijira. Bien-aimés, wapendwa. C'est comme cela que nous avons reçu la parole. Donc vous tulipokea neno. Et ça n'a jamais contredit la parole. Na hii apinganishaka neno. Ça n'est pas la parole. Aiumizake neno. Ne nous amène pas des comportements mamwenyendo ya kubulaya. Ça ne la servit à quoi? Il va saidia kunini? Un comportement. Mwenyendo. Oh frère. Oh nduku. On peut boire. Tu n'as pas vu kunywa. Allez boire. Mwende mukunywa. Nous allons voir qu'est-ce que tu vas y gagner. Utaona hilo tapatia mo nini. C'est un comportement. Ni mwenyendo. Qui sera ivrogne. Utakuwa kikola mulevi. Tu me permis. Yote miruhusiwa. Mais tu ne dis pas. Lakini haijenga pana. Alléluia. Amen. Quel est ton comportement? Un prédicateur. Mubiri. Qui est là pour amener les gens vers la boisson. Vers les chaînettes. C'est quel comportement? La Bible dit. Biblia nasema. Sortez du milieu. Alléluia. Amen. Sortez. Tokeni. Mudunia. Sortez. Tokeni. Mu Babiloni. Tokeni. Matengenezo ya dunia. Ingieni ndani ya Yesu Kristo. Cela change votre apparence. Ile unabadilisha hali yako ya nje. Ça change votre comportement. Inabadilisha mwenendo yako. Ça change votre façon de vous habiller. Inabadilisha namna kwa kuvala. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mungu unanifuata? Nous voyons nos petites filles aujourd'hui. Kuna na babinti yetu leo. Sont en train de s'habiller. Biko na vala. Non. Hapana. Non. Hapana. Ce n'est pas ça le message. Aina njo ujumbe ile. Par le message. Kupitia ujumbe. Même par ton accoutrement. Hata kupitia mvario yako. Naweza kusema huyu ni dada. J'étais avec le bien-aimé. Nilikuwa na mpendwa. Nilikuwa nakuwa kuibada. J'ai vu une sœur. Miliona dada moja. J'ai dit. Nikasema. Apparemment c'est une sœur. Kwa kumuona tu ni dada yetu. Elle s'habille comme une sœur. Anavala sawa dada yetu. Le pasteur avait souri. Pasteur akasema. Il a dit ma fille. Akasema binti. Ingia mugari. J'ai dit Seigneur. Nikasema Bwana. Je ne me suis pas trompé. Mimi sikudanganyika hapana. Regardez nos sœurs aujourd'hui. Les femmes des prédicateurs. Mangou en Afrique pas. Ici vite. Mugongo wazi. Non, trois des lois. Trois des lois. Le message ujumbe, a un comportement. Yayo, le message ujumbe, a des baisses. Le message yayo, a une discipline. Tabia, le ma, message de yayo, ujumbe, le message ne se pare. Ujumbe, unatutenganisha. L'identification. Kitambulisho. Ndio. Hata kutambua kwa nini? On va t'identifier avec quoi? C'est par ton comportement. Ça change votre comportement. Inabadilisha mwenendo yako. Votre façon de vous habiller. Namna kwa kuvala. Ça change votre façon de marcher. Namna kwa kutembea. Oh, jusqu'à à marcher. Hata mkutembea. Regardez nos jeunes gens. Tazameni babiana wetu leo. Pocket. Wanatembea hivi. Pantalon tisi. Pantalon ya tie bas. Oh, Jésus sauveur Seigneur. Yesu Kristo mokozi na Bwana. Oh, Mimela Yesu mokozi. Yesu mtoto wa Mungu. Et vous voyez dans vos téléphones. Na munaona ile vitu ma téléphone. Ma nyimbo ya hizi. C'est la sanité. Ni buchafu. Aujourd'hui je vais vous parler. Leo mtasema na mweye. Oh. Nos chorales chantent. Ma kwaya yetu kunaimba mzuri. Des cantiques de Charles Wesley. Nyimbo ya Charles Wesley. Des cantiques de Jègle. Nyimbo ya Antai. Des cantiques inspirées. Nyimbo ya kusukuma na roho. Vous cherchez en quoi dans les rumba de Kalambai? Mungu atafuta nini umarumba ya Kalambai? Vous cherchez quoi dans les rumba de tous ces gens-là? Mungu anaenda kutafuta nini umarumba pale watu wote baimbaji? C'est un comportement. Na yoni mwenyando. C'est de la profondeur du cœur. Ni kwa kutoka upana wa moyo. Ndio kinyachiko na sema. C'est ce qui est en toi. Ni ile ndani yako. Qui désire cette musique? Ndio atamania ile manyimbo. Est-ce que vous êtes avec et moi? Kwa hapa mnanifuata. Je l'évangile sanda ce matin. Ni injili ya bilanga ya. Quel est ton comportement? Mwenendo yako ni aje? Comment tu utilises ton téléphone? Telefoni yako unatumia namna gani? Comment tu te comportes avec internet? Unajiongoza je mu internet? Comment tu te comportes avec ta femme? Unajiongoza je na mke wako? Dans l'intimité. Mule bu nyumba ndani mchumba. Quel est ton comportement? Mwenendo yako kwa aje? Ça vous transforme complètement. C'est vrai. Laissez seulement l'évangile. Entrer à l'intérieur. Il changera tout. Il changera tout. Il changera tout. Il changera Dieu dans le tiré de la prédication David. Il a tous sa mobile Daoudi. Le vaillant guerrier. Shuja Mkubwa. Le 18 janvier 1955. Il y a le 18 janvier 1955. Alléluia. Amen. Il vous nous enverra. Atatutumiaka. Élie le prophète. Élie nabi. Il nous ramènera. Ataturudishaka. À la foi. Kuimani. De nos pères. Ya baba vous êtes. Alléluia. Amen. Pierre. Petro. Était un monsieur. Alikuwa bwana. Jacques. Jacob. Était un honorable. Alikuwa mheshimiwa. La femme de Jacques. Muke wa Jacob. Elle s'habille avec fidèle et modestie. Voilà na heshima na unyenyekevu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'argent. Aina pesa. C'est ce qui est dans ton cœur. Ni ile iko ndani ya moyo wako. Usisemee franka bongo. Oh, il ne faut pas calomnier l'argent. Dieu est qui Dieu, tu étais pauvre, Dieu t'a donné l'argent. Tu coupes à faire. Dieu te donne l'argent. Mon homme a coupé dans lui. Puis encore qu'il te donne la force pour dominer l'argent. Abraham avait l'argent. Mais il avait un comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job avait l'argent. Job mais il avait un comportement. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si vous n'avez pas un comportement. Mwenyendo. Oh, Japo. L'unique moyen. Pour le monde. Ya, de voir Christ. Ya kumona Christo. C'est lorsqu'il le voit en vous. Ni wakati banamona Christo ndani yako. Et à moi. Na ndani yangu. C'est l'unique moyen. Ni namna moja tu. Pour eux. Kwa bobo. D'avoir Christ. Ya kumona Christo. Leur conscience. Zamiri yabo. Est endormie. Iko ya kulala. Insensible. Ya soku guso. Au coucher du soleil. Kumangaribi. Au chant des oiseaux. Kunyimbo ya ndege. Au feuillage et à l'herbe. Kumayani na miti na kumaua. À la musique. Kunyimbo. Et au message. Na kujumbe. Et à toutes ces choses. Na kuvitu vyote hivi. Que nous apprécions. Bile tu kunafurahikia. Après avoir trouvé Christ. Na kisha kumpata Christo. Après avoir trouvé Christ. Kisha kumpata Christo. Mais nous devons en arriver à être l'expression même de Christ. Ya kuwa konekanisha kunyeu kwa Kristo. Maintenant, sasa, souvenez-vous de mkumbuke imam. Chacun de vous, kila moja wenu, à partir de ce soir, kuanzia imangaribi, souvenez-vous, mkumbuke, vous êtes le panneau publicitaire, muko barua ya tangazo, de Jésus Christ. Ya Yesu Christu. Alors le monde, sasa dunia, vous observera, itaniangarishisha, pour voir, kuona, ce que Christ est en toi. Kile Kristo eko ndani yako. Amen. Amen. Amen. Amen. Jeune Jean. Bien à banaume. C'est cet évangile là. Ni il est qui nous a protégés. Dieu est tout linda. Il y a 40 ans. Mkula tukwa miaka makumi na mbili. Pour nous les jeunes, c'est difficile. Tuko na magumu. Vous pensez que nous avons créé tant de vieux. Bon, mnawaza sisi tunaamini penye kwa basi. Nous étions secondaire. Sisi tulikuwa kama mimi kati yetu tulikuwa kwa humanité. Tulikuwa mu deuxième secondaire. Troisième. Quatrième. Cinquième. Rare était à l'université. Ba kidogo sana walikuwa kwa université. Très était marié. Na badogo badogo sana walikuwa hata kwa waka. Si cet évangile. Kama ile njili. Que Branham vous a apporté. Ile Branham alituletea. Vous avez gardé. Ili tuchungaka. Et vous garderez. Itabichunga na vile vile. Dieu ne change pas. Mungu akubadilika pana. Il n'y a pas des excuses. Hakuna samani ya kuleta. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti Mungu unanifuata. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana anibariki. Je serai de très court. Tapima kwa mfupi. Bien-aimé frère. Wapendwa nduku. Bien-aimé sœur. Wapendwa dada. Maintenant je te vois là. Sasa nakuona. Tu vas commencer à marcher comme ça. Utaanza kutembea sasa hivi pole pole. Pole pole. À tel point que tu vas piétiner l'œuf, ne va pas s'écraser. Muki moi t'as fait on est sur quelqu'un qui a été pas. Ce n'est pas ça que je suis. Aïe, Dieu ne doit confondir ça. Soyez vous-même. Où est qu'il est où quoi? Si tu marches comme ça. Comment attendre à Ivi? Marche toujours comme. Tembe à pas la ville. Mais ayez Jésus. La qui où est na Yesu ndani. Alléluia. Amen. Si tu as une grande voix. Comment on va s'aouti à Ivi? Grande voix s'aouti à Ivi. Mais produisez s'aouti à Ivi. La qui m'ouvre la communication. Si tu es de nature humble. Comment on va s'il y mourir? Mais produisez une militaire. La qui on est carissé. Vous êtes avec moi. Et si vous n'avez pas ça, ne sois pas des hypocrites. Dieu est hypocrisé. Jésus est capable de changer Barabbas en fils de Dieu. Jésus est capable de changer Paul à l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Même pour un chasseur. Ata njua mulumbataji. Pour tuer le gibier. Njua kuwa nyama. Il ne s'agit pas qu'il soit fort. Aina kusema apate kwa wanguvu mulumbataji. Il ne s'agit pas qu'il ait de beaux arts. Aina kusema kwa na masila ya mzuri. Mais il doit s'asseoir. Lakini anapasa kuikala. Etidier. Na kufunza. Le comportement du gibier. Mwenyendo ya nyama. Je pars chasser l'antilope. Naenda kulumbata nkasha. Soyez attentif. Mwe wasikilivu. Mufate leo. Femme. Muke. Femme. Bibi yangu. Bibi lani. Kwa mumkini. Mettez-le. Weka mai. Sur le brasero. Pa makara, pa moto, pa mabula. Je pars chasser une biche. Naenda kulumbata ngombe wa pori. Tout le village fait confiance au chasseur. Kijiji yote banamtumainia ule mulumbataji. Le chasseur. Mulumbataji. Ne regarde pas les biceps. Ashangalake bila cha kuvimba biceps. Ne regarde pas les années. Ashangalake miaka. De travail. Ya kazi ya mulumbataji. Il étudie chaque animal. Eko nafunza kila nyama. Comment il vit? Namna gani anaishi? Quel est son comportement? Mwenendo wake kuje? Quels sont ses caractères? Tabia yake rigaje? Est-ce que vous m'étudiez? Eti mnanipata? Si c'est là, si c'est une biche. Kama ni ngombe wa pori? Le chasseur. Mulumbataji? Il s'assoit. Ataikala? Il prend les herbes. Anabeba mayani il miti? Il met sur lui. Anajifunika funika mayani? Il reste tout près du ruisseau. Anabakia kandokando ya maji ya mtoni kamto kadogo. De 9h. Kuanzia saa 9h. 10h. 10h. 11h. 11h. 12h. 12h. Il regarde. Anaangalia. Je sais. Najua. Là dans la savane. Mule mukiwanja mpori. À 50 km. Ku 50 km. La rivière passe. Mutone na pita. Ici. Uku. Elle a déjà brûlé. Kule isha kupita. Elle a soif. Eko na kiu. Acha kula mayani. Sasa atapanda atambuke bizibio. À cause de la soif. Njua kiu. Il va rester calme. Atabakia pale wa kutulizana. La biche, le soleil frappe, elle a beaucoup mangé de l'eau, alikula mayani ya mingi. La soif, kiu, déclenche en vous, la biche mouve, traverse le chacal, traverse le tigre, la soif, il est kiu, elle mouve, inapanda, inamusukule yulu. Est-ce que vous êtes avec moi? Le chasseur est là. Vous n'embattez que pas les. Il sait ce qu'il fait. Il connaît le comportement de la moyenne la biche. Satan. Satan. Connaît le comportement des chrétiens. Anajua moyenne wa Kristo. Il sait. Anajua. Que vous avez une grande foi. Je crois qu'on a imani mais la seule façon de vous savoir. Vous faire douter de la parole. Vous vous chakisha nero la mungu. Lui il est calme. Yeye kwa kutulizana. Le garçon qui va te séduire. Kiana ula takutongoza. Kuharibu imani yako. Il est calme. Eko hali ya utulizana, ya utulivu. Wewe na wewe. Étudie le comportement de Satan. Funza sasa mwenendo wa Shetani. Il se déguise en ange de lumière. Eko badilisha kwa malaika wa nuru. Shindane naye. Neno la Mungu. Un comportement. Mwenendo fulani. L'animal monte. Nyama napanda. Les chasseurs voient. Wakulumbata naona. Il ne prend pas l'arme directement. Anavyo pale pale silaki. Papa Jamari, non. Il reste calme. Anabakia wakutulizana. Il laisse l'animal. Anaacha nyama akunywa. Quand l'animal sala, le goût de l'eau. Wakati nyama nasikia sabutamu wa maji. Distrait mena. Analengama. Il prend l'arme. Papa sila. Na natupa katika. Anampamba ule nyama. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti muna nifata. Est-ce que je vous ai parlé vraiment d'un animal? Eti mi mambo mionesha ni nyama tu. Je vous ai parlé. Na mionesha. De cet animal féroce. Njia ule nyama wa makali. Lucifer. Qui rugit comme un lion. Ule wangoroma sa simba. Qui va dévorer. Tafuta nani atakula. Pour t'avoir ma sœur. Njia kukupata dada. Mon frère. Njia kukamata ndugu yangu. Il va t'aller dans la communion frère. Atakutosha mushiriki ya kinduku. Pour t'avoir mon frère. Njia kukupata ndugu yangu. Il va te montrer que tes conducteurs sont rien. Atakuonesha te baongozi akabana kitu. Le lion. Un comportement. Mwenyendo. Frère Branham continue. Du Branham anendelea. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mura nifata. Il dit. Anasema. Le choix d'une épouse. Mu maubiri kuchagua kwa bibi. Je vais bientôt couper. Tama, le choix d'une épouse. Kuchagua kwa muke. Il dit regardez. Anasema tazameni. Amen. Amen. Du 29-4-65. Il y a le 29 avril 1965. Quelques mois avant sa mort. Ni masiku ili ma miezi ile itangulia kufa kwake. Nukta 54. Mais. Lakini. Allez dans une église. Mwende mkanisa fulani. Alléluia. Amen. Et observez le comportement de cette église. Mwangarishije sasa mwenyendo ile kanisa. Aha. Chaque église a. Kila kanisa iko na mwenyendo yayo. Ne comparez pas l'église de Mampala Lubumbashi et l'église de Kambove. Non! Si paranise makutano ya Mampala Lubumbashi na makutano ya Kambove, hapana, hapana. Chaque église a un comportement. Kila kanisa kuna mwenendo yao. Nous avons la même foi. Lakini tu konjo na imani moja. Alléluia. Amen. Mais maintenant par la parole. Kwa neno. Yesu wakati aliingia. Il me donne un comportement. Ananipatia mwenendo fulani. Ku Kambove. Un comportement. Ananipatia mwenendo Kolwezi. Mwenendo fulani. Ku Krefeld. Kwa se raconte. Wakati watanishana. On a le même comportement. Tuko na mwenendo moja. Par quoi? Kupitia nini? Par la parole. Kupitia neno la Mungu. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mungu nanipata? Avez-vous vu les sœurs de Krefeld? Eti muliona badada wa Krefeld? Vous les avez vus avec des chaînettes. Vous les avez vus avec des mèches. Vous avez toujours dit que. Vous avez toujours dit que. Si vous êtes nos milliers, quand vous êtes trop chers. Oh, nous qui prêchons cela, nous sommes des indigènes. Bon, ça va ni comme chien de wago. Alors, comme je suis un faux indigène. Alors, c'est cet indigène-là de Créfer. Pourquoi l'évangile a changé le Mbadirish et Naïe? Est-ce que vous êtes riches comme les Allemands? Ne mentez pas au nom du message. Mungu n'est pas civilisé. Mungu c'est le Dieu de sa parole. Civilisation. Kizungu. Mungu afatake civilisation. Dieu ne suit pas la civilisation. Civilisation. La civilisation. Dieu afatake Mungu. C'est elle qui suit Dieu. Toi qui es civilisé, et toi qui as étudié, toi qui n'es pas appris, venons à Christ, à Jésus. Alléluia. Amen. Il va briser cette mire qui nous sépare. Imani moja, maisha moja, mwenendo moja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, anasema, regardez le comportement de cette église. Tazameni mwenendo ale kanisa. Il continue. Anaendelea. Le comportement des femmes. Mwenendo banamuke manifeste. Ikonoonesha l'état hali dans laquelle mule se trouve l'église. Napatikana ale kanisa. Amen. Amen. Le comportement des femmes. Mwenendo banamuke ya badati. Montre. Inaonesha. Chekere le malegre. Kile kanisa iko kweli kweli. Trouvez les femmes en pantalon. Unakuta walikuwa sawa na pantalon. Les autres en kilo. Bengine mu makaputula. Les autres c'est pas comment. Bengine si jueje. Les autres en jupe. Bengine mu basi. Les autres en mini jupe. Makabu jipa mfupi. Bengine. Ile ni mvuruko. Bien aimé frère. Wapendwa nduku. Unaingia kama kanisa. Tu entres dans l'église. Unaona tu Yesu ndani ya kanisa. Et tu vois seulement Jésus-Christ dans cette église. Quand tu entres dans l'église, tu vois la Odyssée dans cette église-là. Par son comportement. Il continue, dit. Entrer dans une église. Il dit, observez. Quand le pasteur de cette église, quand on chante, il fait comme ça le jour. Et il met la tête là. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Et dit, observez le comportement de l'église, ya kanisa, presque tous, ils sont comme les pasteurs. Pourquoi? Dieu a nini? L'homme Moutou, vit sous l'influence. Est-ce que vous êtes avec? Est-ce que vous êtes avec? Etimu pamoja na mimi mnanipata dada yangu. Ton mari est né de nouveau. Bwana wako yuko mkozaliwa na pili lakini wewe makali sawa simba. Très très méchant, très colérique comme un lion. Quand tu es en train de couper, les enfants te fuient, et le mari te fuit, les amis de ton mari évitent. Tu es où? Oh, je suis à la maison. Venez, mes bien-aimés. Ton mari, ta femme est là. Viens seulement ici, nous allons nous rencontrer quelque part au restaurant. Nous allons nous retrouver ici pour échanger. Une lionne. Change. Jésus change la lionne. Amen. Toi Jésus. Moulinie. Il pleure devant lui. Bibi. J'ai un cœur d'une lionne. J'aimerais que tu puisses ôter à moi l'esprit d'une lionne. Donne-moi l'esprit d'une brebis et Dieu va t'en donner. Ce qui se ressemble à la personne. Dis-moi qui tu entres chez toi. Alléluia. Amen. Et pour terminer, on pouvait maintenant aller dans la Bible. Ça, je l'ai invité aujourd'hui. Regardez le comportement de Saoul. Et le comportement de David. Regardez le comportement. Tous ouaient par Saoul. Mais Saoul haït. Saoul était rancunier. Saoul était méchant. Saoul était mutu mubaya, waro mbaya, mutu mwenyendo. Est-ce que l'église est en train de faire? Est-ce qu'on est en Mukalamuke na parole. Faites très attention à la parole de Dieu. La parole. Il faut réfléchir avec la parole. Vous fiquez la neige. Oh, bien oh dada mpendo. Oh, dugu mpendo. Je ne m'arrêterai pas là. Mita sibamia pale. J'irai à tes actes. Taenda kumatendo sasa yako. Ce que tu fais pour moi. Kile unafanya juu yangu. Ce que tu penses de moi. Ndio unawaza juu yangu. Oh, reverend. Oh, mheshimiwa. Oh, mheshimiwa. Oh, pastori. Oh, pastori. Ok, ça va. Mzuri, sawa. Je ne vous le refuse pas. Misi ukatalia ile kitu. Anakomesha sasa. Nduko. Pourquoi tu ne te réunis plus? Kwa nini ukusanyike tena? Pastor, unaexagera. Unapitisha mo tena. C'est un comportement. Ni mwenyendo nayo. C'est un comportement. Ni mwenyendo. Tu veux que je te croie? On a peine de croire, tu veux que tu pastor, pastor, moyen de yako. Dis ce que tu penses. Il a fait ma bille, on a une oisille. Regardez. T'as amené. Le comportement de Balaam. Moyen de Balaam. Et de Moïse. Naya Moussa. Tu avais vu Moïse, Moïse derrière l'argent. Est-ce que tu avais vu Moïse derrière l'argent? Tu avais vu Moïse dire aux autres. Tu avais vu Moïse derrière l'argent? Tu avais vu Moïse derrière l'argent? Tu avais Josué vient. Joshua Kakuja. Moïse. Moussa. Les gens sont en train de prophétiser. Bantoua Tabiri Koule Mekalu. Affecte l'un des prophétisés. Qu'est-ce que Moïse vient? Moussa Alistema Armochanin. Josué. Joshua. C'est quel comportement? Fils Dieu. Mungu apate. Faire tous les peuples des prophètes. Fanya watu wote. Quand on a un ministère. Quand on a un ministère. Il respecte un autre qui a un ministère. Ego naishimia mwingine mwenye kuwa na utumishi. Alléluia. Amen. Quand on a un ministère. Quand on a un ministère. Il sait reconnaître un autre porteur de ministère. Mwingine mwenye kuchukua utumishi. Un ministère. Huduma. Veni de Dieu. Ya kutoka kwa Mungu. Haiwezi kumaanisha huduma yenye kutoka kwa Mungu tena. Un comportement. Mwenyendo. Mwingine anahubiri. Quelqu'un d'autre prêche. Kanisa inabariki. L'église est bénie. Hautamupatia kashere. Tu lui accorderas jamais la chair. C'est un comportement. Ni mwenyendo ya Saul. La jalousie. Bwivu. Un comportement. Mwenyendo. Amen. Amen. Le comportement Mwenyendo. De Jacob. Ya Jacob. Et de Saul. Na Saul. De Saul. Saul. Il avait un comportement. Alikuwa kama Mwenyendo. Il parle là-bas. Anaenda huku. Anabeba bibi. Il parle là-bas. Anaenda huko na kona. Anabeba tena mwanamke. Anaenda kule. Anabeba tena bibi. Anafika kule. Anabeba tena mwanamke. La Bible dit. Bibi anasema son père. Baba yake. Amen. Mama yake. Avait toujours un cœur. Balikuwa kila mara na moyo. Ili kujara buchungu. Juu ya Mwenyendo. De Saul. Ya Jacob. Ya Saul. Et Dieu dit. Na Mungu akasema. Dans la bouche de sa mère. Mukinywa mama yake. Va. Wendi. Chez Laban. Kwa Laban. Mon frère. Ndugu yangu. Là. Kule. Tu trouveras. Utakuta kule. Des femmes véritables. Banamuke bakweli. Quel est ton comportement? Mwenyendo yako iko ya je. Dans le mariage. Katika ndoa yako dada. Le jour du mariage. Siku ya ndoa. Ça arrive pour faire le choix. Inafika ndio kuchagua. Chez les catholiques. Unaenda kuchagua mba katolika. Unaenda kuchagua mba zambe malamu. C'est un comportement. Ni mwenyendo nayo. De ce que tu penses. Ya kile unawaza juu ya Mungu. De ce que tu penses de la parole qu'on te fait. Unawaza juu ya neno ile mara kubiri. C'est un comportement. Ni mwenyendo. Après ça tu as. Tu mudo plani unapata kile ulipata au unakuta. Unakuwa tena ukanisa. On va pas te chasser. Hata kufukuza. Lakini utavuna kile unapanda. Hebrews chapitre 4. Wa Hebrewia sura 4. Frana. Ndugu Branham. Si un frère. Kama nduku. Est parti épouser en dehors. Anaenda kwa nje. Et que maintenant, il revient à l'église. Comment tu vas te comporter? Mais quand ton tribulation, quand ton malheur, ça lui regarde. C'est un comportement. Ni mwenyendo. Ma soeur. Dada yangu. On t'amène le frère. Bakuletea nduku. On te, le frère vient. Nduku anakuja. Tu l'as déjà dessiné. Ulisha kumfatula. Tu l'as dessiné. Unamfatula. Bon. Seigneur. Bwana. Donne-moi un mari. Unipatie kwa Bwana. Seigneur. Bwana. Donne-moi maintenant un mari. Tu as donné le mariage à une femme. Unipatie kwa Bwana ule utapatia au nom de Jésus-Christ. Amen. Jina la Yesu Kristo. Amen. Mais Jésus. Lakini Yesu. Je veux le mari. Napenda Bwana. Qu'il soit de 1m80. Akuwe wa 1m80. Qu'il soit. Ah oui. Licencié. Licencié. Mais qui était de grande distinction. Lakini ule ezaka la grande distinction. Que son père et sa mère. Baba yake na mama yake. Ont de véhicules et une maison fabrique. Bakuwe na gari na nyumba ya matafari ya nguvu. Que ses pieds soient des pieds en argent. Que ses jambes soient en diamant. Jésus. Yesu. Tu donnes l'homme. Mon son désir. Je veux aussi que ses yeux soient blanches. Et des dents blanches comme la neige. Il faut qu'il parle anglais. Il parle flamand. Chokwe. Karunda. Français. Jésus, merci. J'ai la foi. C'est un comportement d'incrédule. Il n'aura pas cet homme-là. Cet avant-midi, vous dire au revoir milaka, avec ce petit singe d'un petit prédicateur mdogo, intitulé Le comportement. Mwenyendo. Quel est ton comportement? Mwenyendo yako ni aje? Quel est mon comportement? Mwenyendo yangu iko je? Quel est ton comportement? Mwenyendo yako iko je? Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Amen. Amen. Que Dieu, Mungu, par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristu, par sa parole de vérité, kupita neno lake la ukweli, change ton comportement, abadilishe mwenendo yako. Est-ce que tu crois que c'est lui? Et tu dois mettre la main ici, on a bâti l'Isaka. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il avait changé Sarah? Et tu as bâti l'Isaka Sarah? Est-ce qu'il avait changé Abraham? Et tu as bâti l'Isaka Ibrahim? Est-ce qu'il avait changé Moïse? Et tu as bâti l'Isaka Moussa? Est-ce qu'il avait changé Élie? Et tu as bâti l'Isaka Élie? Est-ce qu'il avait changé Branham? Et tu as bâti l'Isaka Branham? Comme il les avait changés. Tu as bâti l'Isaka. Et quand ça va pas, j'en ai le nom à ta milele. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous partons à la Mungu. Soyez bénis par Dieu. Nous partons à la Mungu. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Waeri Mungu apate. C'était un petit sujet. Il quoi n'est qu'un kadogo. Tous ceux qui sont devenus frères et sœurs en Christ. Dieu a ouvert la voie à nous, nous avons d'abord à Christ. Kwaheri. Au revoir. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mubaki na salama. Restez en paix de Jésus. Je vous ai trouvé dans la paix et je vous laisse aussi ma paix. Aussi, je pars et je m'en vais avec votre paix. Merci bien-aimé. Merci aux anciens de l'église. Merci aux diacres. Merci aux administrateurs. Église, merci. Merci à la chorale. Je me suis réjoui pendant tout mon temps de mon séjour au milieu de vous. N'oubliez pas, marchons sur les empreintes. Jésus-Christ ôte son pied, tu observes, mais tu mets seulement sur l'empreinte de Jésus. Jésus-Christ se vérifie si le pasteur a mis son pied dans l'empreinte de Jésus, il met aussi là-bas. Un jour, comme un autre, nous serons surpris et nous dirons dans l'enlèvement que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous dirons dans l'enlèvement que Dieu vous bénisse.